Chapitre 7. Le départ d'Élisabeth était fixé au premier jour d'octobre. Adélaïde, avec l'aide d'Aglaé, s'occupait hâtivement de lui confectionner un modeste trousseau pour lequel M. de Rudaine lui avait remis quelques centaines de francs. Élisabeth elle-même y mettait la main car elle était adroite et vive. Mais elle passait néanmoins une partie de ses journées à parcourir le parc et les environs de Montparoux pour ne rien perdre du peu de temps qui restait avant qu'elle les quittât. Elle s'en allait le long des combes fraîches, s'asseyait au bord des ruisseaux torrentueux, dans la chaude lumière de cette belle fin d'été. Ses yeux se reposaient sur la beauté un peu sévère des paysages qui s'accordaient à la précoce gravité de son esprit, aux secrètes ardeurs de son âme. Puis elle revenait vers Montparoux, le cœur serré, en se disant « Bientôt, je ne le verrai plus !» Son court entretien avec l'abbé Forgues lui avait cependant apporté un apaisement. Non tout aussitôt, car elle avait d'abord éprouvé une vive amertume de l'approbation que le prêtre donnait à la décision de son père. Mais il y avait en elle trop de droiture pour qu'elle n'en reconnût pas le bien fondé, d'autant mieux qu'elle accordait une confiance entière à cet esprit sacerdotal réfléchi, pondéré, un peu froid d'apparence, qu'il avait toujours dirigé avec justesse et prudence. Elle s'était donc résignée, décidée au courage, en fermant en elle son chagrin devant Adélaïde, qu'elle devinait assez satisfaite de revoir Morton Court, où elle avait passé des jours heureux avec Daphné, son élève. 8 jours avant son départ, comme elle finissait de déjeuner avec la vieille demoiselle, Blanche, la femme de chambre de Judith, se présenta, envoyée par M. de Rudaine, qui intimait à sa fille l'ordre de faire ce jour même une visite de départ à Mme de Groussel. « Monsieur le comte m'a chargé de recommander à mademoiselle de s'habiller convenablement, » ajouta la messagère. Élisabeth toisa celle qui lui parlait ainsi, cette grande femme brune de teint et de cheveux, dont la physionomie impassible et les yeux glacés lui étaient si complètement antipathiques. « Vous direz à monsieur de Rudaine que je n'ai pas du tout l'intention d'aller nu-pieds à Aigueblanche. » Blanche eut une sorte de rictus en répliquant froidement « Je le lui dirai, mademoiselle. » Elle sortit et, tout aussitôt, Élisabeth se leva de table en murmurant « Cette femme a des yeux affreux. Je déteste la regarder. » « C'était aussi l'impression de votre mère, » dit Adélaïde. 15 jours avant sa mort, comme Émilie était malade, Monsieur de Rudaine l'avait obligée d'accepter l'offre de Madame de Combron, qui proposait que sa femme de chambre, dont elle n'avait guère besoin chez Madame Pienne, vînt faire le remplacement. Mais elle évitait de la regarder, tellement ses yeux semblables à une eau gelée lui étaient insupportables. Cependant, elle reconnaissait que son service était irréprochable et qu'elle se montrait fort complaisante. Mais elle avait hâte de retrouver la bonne figure d'Émilie. Hélas, elle ne devait plus la revoir. 1 heure plus tard, Élisabeth et Adélaïde descendaient l'escalier de la tour. Au rez-de-chaussée de celle-ci, une porte donnait dans une galerie ornée de bustes en marbre et de vieilles tapisseries, par laquelle on arrivait directement au vestibule du Château-Neuf. De là, on descendait par 3 marches de pierre dans la cour d'honneur, au centre de laquelle des parterres fleuris de bégonias pourpres entouraient un bassin rond. Dans l'eau moirée de lumière à ses premières heures de l'après-midi, se mirait une mélancolique jeune femme qui représentait quelques personnages de la mythologie, on n'avait jamais su lequel. Un vieux jardinier binait un des parterres. Au passage d'Élisabeth et de sa compagne, il redressa un peu son dos voûté, montrant un sec visage terreux. Ses yeux clignotèrent, sa bouche tordue marmotta un vague « Bonjour, demoiselle !»« Bonjour, père Anselme !» dit Élisabeth. Et quand elle eut dépassé l'homme, elle ajouta à mi-voix « Quel drôle de bonhomme! Il a un peu une tête de hibou. Ne trouvez-vous pas, Adélie ?»« En effet, et il lui arrive de travailler la nuit, paraît-il, quand il y a un peu de lune pour l'éclairer. » Le pauvre homme a toujours été assez bizarre, mais c'est un bon jardinier. Encadrant la cour, des bâtiments bas, aux toits d'ardoise, servaient de commun. À l'extrémité de l'un d'eux, près de la belle grille forgée, logeait le portier. Cet office était maintenant rempli par Damien et sa sœur Aglaé, à qui M. de Rudaine avait offert de remplacer le précédent titulaire, devenu trop âgé. Damien continuait, comme du vivant de la vieille comtesse, de préparer les repas pour Calixte, pour Élisabeth et Adélaïde, tandis qu'Aglaé venait parfois aider cette dernière au ménage. La route, le long de la rivière, était encore à l'ombre et l'eau proche envoyait jusqu'à elle un peu de sa fraîcheur. À 2 kilomètres du village, Élisabeth et la vieille demoiselle prirent un chemin plus étroit. Elles longèrent le mur et la grille de Branchot, le château de Madame Pienne, cette cousine chez qui Judith, alors vicomtesse de Combron et veuve, venait autrefois passer quelques semaines de vacances. Puis la route s'élevait un peu entre les bois de hêtre jusqu'à l'entrée d'Aigue Blanche. 2 vieux piliers de pierre grise se dressaient de chaque côté. Il n'y avait pas de barrière. On entrait librement dans l'allée herbeuse, dans l'ombre des ormes centenaires qui formaient 4 rangées, à droite et à gauche, laissant entrevoir seulement les prairies parsemées de bosquets qui leur faisaient suite. Dans un fossé profond coulait une eau claire venant d'une source jaillie dans le parc, laquelle avait donné son nom au domaine. Tout au bout de l'allée, séparée d'elle seulement par une cour pavée entre 2 balustrades verdies, se dressait la longue maison grise, couverte de glycines et de chèvrefeuilles, avec sa tourelle avançant entre les 2 corps de logis. Une voûte, à la droite du rez-de-chaussée, faisait communiquer la cour avec le jardin situé derrière le château et où se trouvaient aussi les communs. Élisabeth sonna à la porte de la tourelle. Une servante à corte, bien tenue, introduisit les visiteuses dans le salon où se tenait habituellement la famille, grande pièce ouvrant par 3 fenêtres sur le jardin, garnie de vieux meubles et de tentures en toile de Jouy fanée. Madame de Groussel écrivait à son bureau. Abel, dans son fauteuil d'infirme, soignait la patte d'un des chiens de Willibald sur laquelle était passée une voiture. Élisabeth, qui aimait tant les bêtes, lui offrit aussitôt de l'aider. Ainsi échappait-elle à la conversation avec Madame de Groussel, dont l'accueil manquait de cordialité. Celle-ci s'entretint avec Adélaïde de l'Angleterre, où elle avait passé quelque temps dans sa jeunesse. Puis elle fit apporter des rafraîchissements. Comme Élisabeth, ayant pansé le chien avec une habileté dont lui fit compliment Abel, s'asseyait près du jeune garçon, Madame de Groussel lui dit, avec un sourire où passait quelque ironie, « Puisque Catherine n'est pas là, si vous la remplaciez pour nous servir ce goûter, ma petite !»« Je ne demande pas mieux, madame !» Vive, à droite, avec de souples mouvements pleins de grâce, Élisabeth versa le sirop fait par la châtelaine, très experte ménagère, présenta les gâteaux confectionnés par Catherine. Madame de Groussel la suivait des yeux avec une évidente surprise. Elle dit à mi-voix, s'adressant à Adélaïde, « Je la croyais brusque et maladroite, cette petite sauvage. Elle s'en tire vraiment fort bien. Et je n'avais jamais remarqué les jolies mains qu'elle a. »« C'est un héritage maternel, » dit Adélaïde. « La pauvre chère Daphné avait des mains admirables, si vous vous en souvenez. » »« C'est exact. » Mais par ailleurs, Élisabeth ne lui ressemble pas. Elle a plutôt le type Rudaine. Il est très heureux que son père se soit décidé à l'envoyer en Angleterre. Ce séjour là-bas sera excellent pour elle. Décidément, tout le monde était de cet avis, sauf Abel, comme Élisabeth l'a pris un peu plus tard, quand, Madame de Groussel ayant emmené Adélaïde dans le jardin pour voir ses dahlias, Élisabeth se trouva seule avec son fils. « Cela doit vous ennuyer beaucoup de quitter mon parou, » demanda-t-il. Il vit se rembrunir la physionomie d'Élisabeth. « Beaucoup, en effet, » dit-elle brièvement. « Il y aurait eu, me semble-t-il, d'autres solutions vous permettant de terminer votre éducation sans quitter ce pays. »« Évidemment, mais qui donc se soucie que je sois plus ou moins loin ? Je suis une très désagréable personne, vous ne l'ignorez pas, Abel. » Et l'on m'exile, tout simplement. » L'ironie ne voilait pas une certaine âpreté dans l'accent. Abel, pendant un moment, la considéra en silence. Puis il demanda, « Ainsi, vous ne serez pas là pour le mariage d'Agathe ? » Les lèvres d'Élisabeth frémirent un peu avant de s'entr'ouvrir pour répondre froidement. « Sans doute, n'a-t-on aucun désir de m'y voir, puisqu'on me fait partir avant. Et cela s'accorde trop bien avec mes propres sentiments pour que je ne m'en réjouisse pas. Vous n'aimez pas Agathe ?»« Non !» La brusque franchise de la réponse ne parut pas choquer Abel. Il s'enfonça un peu plus dans le fauteuil, ferma à demi les paupières. Élisabeth considérait avec sympathie ce mince visage pâli. Bien qu'elle le connût peu, elle avait toujours l'impression, en sa présence, qu'une vie spirituelle de qualité rare habitait ce corps souffrant. Elle rencontra tout à coup le regard pensif de ses yeux bleus que ne cachait plus l'ombre des paupières. « Pourquoi ?» Cette fois, Élisabeth ne répondit pas. Elle reprenait son visage fermé, un instant abandonné, tandis qu'elle causait avec Abel. De ses doigts maigres, celui-ci tapotait l'appui du fauteuil. Il regardait maintenant vers le petit parterre fleuri qui s'étendait devant cette façade, précédant le parc touffu et sauvage. « Je me demande si Willibald sera heureux. » Il semblait se parler à lui-même. Une note d'angoisse perçait dans sa voix. « Je ne sais quoi, chez elle, oui, quelque chose ne va pas. » Élisabeth, les yeux baissés, croisait sur sa robe noire des mains qui tremblaient un peu. Elle dit, avec une sorte de petit rire agressif, « Puisqu'elle plaît à votre frère, que voulez-vous de plus? Elle est jolie, elle a de la fortune. » « La fortune, ce n'est pas tout pour Willibald. »« Ce n'est pas tout, mais c'est peut-être beaucoup. » Il tourna vivement la tête vers elle. « Beaucoup, je ne crois pas. Si Agathe ne lui plaisait pas, il n'aurait point accepté de l'épouser. »« Alors, tout est pour le mieux, » dit sèchement Élisabeth. Madame de Groussel et Adélaïde rentraient à cet instant. Les visiteuses prirent congé. Madame de Groussel embrassa Élisabeth en lui souhaitant de revenir transformée en une jeune fille parfaite comme Agathe. À quoi Élisabeth riposta avec ironie « Je suis bien certaine de vous décevoir sur ce point, ma cousine. » Aussitôt fut effacée la meilleure impression produite par elle jusque-là. Elle vit se pincer les lèvres fines et devenir froidement désapprobateur les yeux d'un bleu de lavande. « Hélas, je le crains en effet !» Elles se séparèrent sur ces mots. Abel suivait d'un regard pensif Élisabeth qui sortait du salon. Madame de Groussel dit avec un accent de dédain « Quelle nature peu intéressante! Je crains qu'il ne soit bien tard pour la redresser. » « Peu intéressante, vous trouvez, maman? Elle me semble au contraire singulièrement intelligente et l'on sent chez elle une loyauté, une droiture. C'est une chose si terrible, la fausseté. » Sans doute frappée par le ton de son fils, Madame de Groussel le regarda avec quelque surprise. Elle vit un peu d'angoisse dans les yeux graves. Mais il n'était pas dans sa nature d'approfondir les pensées d'autrui, fût-ce celles de ses enfants. En se dirigeant vers son bureau pour reprendre l'occupation interrompue, elle dit seulement « Oh, que peux-tu connaître d'elle, mon petit Abel ?» Ce soir-là, quand Élisabeth fut rentrée dans sa chambre, après avoir souhaité le bonsoir à Adélaïde, elle demeura un long moment devant le portrait de sa mère. Un pastelliste elle avait représenté en blanche toilette de soirée, avec des roses pourpres au corsage et dans ses cheveux blonds. Il avait su rendre la finesse des traits, la délicatesse du teint, la rêveuse douceur des yeux bruns. Ses yeux regardaient Élisabeth qui songeait « Oh, maman, vous avez l'air de me plaindre. Vous me manquez tant, chère, chère maman. » Dans quelques jours, elle connaîtrait la famille de Daphné. Son frère, Sir Montagu Meldwin, homme froid et bon, disait Adélaïde, ses neveux, un garçon et une fille. Dans quelques jours, elle serait à Morton Court, le domaine où Daphné avait passé une grande partie de sa jeunesse. Par Adélaïde, elle le connaissait déjà, et peut-être y retrouverait-elle mieux le souvenir de sa mère que dans ce Montparou qu'elle avait habité seulement pendant les mois d'été, ce Montparou qu'elle n'aimait pas. À l'étage au-dessus, le violon de Calix gémissait. Élisabeth s'approcha de la fenêtre. La lune, en son plein, éclairait fantastiquement la vallée endormie, les sapins immobiles et noirs qui se pressaient le long des pentes jusqu'au sommet des hauteurs. Un soir de lune, un soir comme celui-ci, Daphné de Rudaine était sortie du château, avait gagné le parc, et puis... Élisabeth frissonna. La belle nuit claire lui parut tout à coup sinistre. Une deuxième plainte déchirante, échappée au violon de Calix, tendit ses nerfs à un tel point que les larmes lui montèrent aux yeux. « Maman !» dit-elle tout bas. Ses yeux erraient sur la vallée endormie, sur les bois silencieux. Vers la droite, le château d'Aigues Blanches se cachait derrière ses beaux vieux ormes. Madame de Groussel avait songé naguère à les faire abattre dans un moment de plus grande gêne. Mais un tel sacrifice lui serait épargné maintenant que son fils aurait la fortune d'Agathe. Étrange Willibald. Cet après-midi, en quittant Aigues Blanches, Élisabeth et Adélaïde l'avaient rencontrée, qui revenait avec sa sœur Catherine d'une promenade à cheval. Tous deux avaient dit adieu à Élisabeth, Catherine avec sa cordialité habituelle, lui froidement, de cet air lointain qu'on lui voyait souvent. Puis, comme Adélaïde lui offrait ses vœux de bonheur à l'occasion de son prochain mariage, il lui avait répondu par un sec « Merci !» et « Avait-elle rêvé cela ?» Élisabeth avait cru voir dans son regard tourné vers elle, l'espace d'une seconde, une étrange expression. Perplexité, angoisse, doute anxieux. Depuis un moment, le violon de Calix se taisait. Devant la belle nuit silencieuse, claire et fraîche, l'âme d'Élisabeth s'apaisait un peu. Joignant les mains, elle fit sa prière du soir, les yeux tournés vers l'église dressée sur la plateforme rocheuse, un peu au-dessus du village. Cher paysage familier que bientôt elle ne verrait plus. Elle s'écarta de la fenêtre d'un vif mouvement et prenant au passage une écharpe jetée sur un siège, elle s'en alla vers la porte. Puisqu'elle quitterait bientôt Montparou, il lui fallait contenter, ce soir, un désir irréalisé jusqu'alors. Elle voulait voir le parc et l'étang au clair de lune. Sans bruit, pour ne pas éveiller l'attention d'Adélaïde, elle se glissa hors de la tour. Au dehors, elle se trouva dans une atmosphère de rêve. Les vieux bâtiments sombres, les parterres, la terrasse avec son miroir d'eau donnaient l'impression d'une fantasmagorie. Dans le parc, des coulées de lumière argentée se glissaient parfois entre les feuillages, éclairant la pénombre de l'allée où s'engageait Élisabeth. Bien qu'elle ne fût pas peureuse, elle préférait prendre, à cette heure, le plus court chemin au lieu des petits sentiers qu'elle choisissait à l'ordinaire. Elle passa devant une ancienne maison forestière, au bord d'une étroite clairière où habitait le vieux jardinier Anselme depuis bien des années. Le sol feutré de mousse amortissait le bruit des pas. Une fraîcheur humide, aux senteurs déjà automnales, venait des sous-bois touffus que la lumière nocturne n'atteignait pas. L'allée tourna, se rétrécit, et la pièce d'eau apparut, paisible, brillante, mystérieuse. Élisabeth s'arrêta un moment, le cœur oppressé. Depuis qu'elle était sortie de la tour, dans le parterre, à travers le parc, le long de ce chemin suivi autrefois par Daphné, elle avait marché avec le clair fantôme de sa mère à ses côtés. Un doux, charmant fantôme. Ainsi, un soir comme celui-ci, Daphné avait foulé ce même sol, elle avait senti ces frais arômes des bois, elle s'était trouvée devant cette eau semblable à un sombracier poli dans le cadre obscur de la forêt. Et puis, elle était allée vers la berge, à cet endroit où flottaient les beaux nénuphars blancs et jaunes, et... Un cri s'étouffa dans la gorge d'Élisabeth. Du pavillon au bord de l'étang venait de sortir une femme vêtue de noir. Elle s'en allait le long de la berge, à pas lents. Élisabeth ne voyait pas son visage, mais elle distinguait maintenant sa taille déviée, son dos contrefait. Calixte de Rudaine, selon sa coutume, se promenait dans la nuit déserte qui dérobait à tous la vue de son infirmité. Elle s'arrêta non loin de l'endroit où se découpait, sur l'eau immobile, le feuillage stagnant des nénuphars. Ici, un plus vif rayon de lune tombait sur elle et son profil se découpait, net, sculptural, d'une blancheur de marbre. Élisabeth n'avait jamais eu l'occasion de voir sa tante, mais elle savait qu'elle était très belle de visage. Elle pouvait en juger ce soir, dans le court instant pendant lequel Calixte demeura là, regardant l'eau paisible comme glacée par la lumière bleuâtre qui avait tué sa belle-sœur. Puis mademoiselle de Rudaine continua de marcher le long de la berge. Élisabeth suivit un instant des yeux sa silhouette déformée. Une grande pitié la pénétrait pour cette femme murée dans sa souffrance, dans son farouche et volontaire isolement. Une orgueilleuse, une révoltée, oui, sans doute. Une âme malheureuse, bien certainement. Mais la pensée d'Élisabeth s'éloignait maintenant de Calixte, revenait à sa mère, et pendant quelques instants, elle évoqua, avec une tragique intensité, le drame qui avait terminé la vie de Daphné par une belle nuit limpide semblable à celle-ci. Calixte revenait sur ses pas. Alors Élisabeth s'enfonça dans l'ombre de l'allée pour reprendre le chemin du retour afin de ne pas troubler cette farouche solitude.